Allô. Certains m'ont déçu, mais j'ai tourné la page. Certains m'ont blessé, j'ai pas tourné la page. Mis en bidémon, mais pour ça faut me connaître. Quand on parle, on le fait, on aime bien quand c'est clair et y'a pas d'à ce qui paraît. J'fais pas d'interview, c'est MPC qui gère la promo. Moi, j'dois faire des tubes, j'dois faire des thunes, après j'fais dodo. Même quand je dors, j'ai l'œil ouvert. Open. Beaucoup trop loin, je peux pas cacher le cutre dans la kitchen. Ils veulent me faire comme pop. Même sous la douche, faut un bloc. Oublie pas qu'on a grandi dans le bloc. Faut pas s'étonner si ça toque. C'est la fiesta. Si ça toque. Allô. C'est la fiesta.